De fées en français. Les cinq pois. Il était une fois cinq pois qui vivaient dans une cosse de pois. Ils étaient tous différents, mais vivaient toujours ensemble, étant donné que la cosse était encore fermée. Ils avaient pour habitude de dormir toute la journée. Mais la nuit, ils parlaient les uns les autres et écoutaient la musique autour d'eux. Surtout la musique de la lune. La lune, lorsqu'elle était en croissant, attachait des fils d'argent à ses extrémités. Elle jouait de la harpe et chantait de belles musiques pour les pois. Lors des nuits de pleine lune, elle jouait des tambours. Les pois se levaient, écoutaient les bruyants tambours joués par la lune. Mais chaque pois réagissait différemment à la musique de la lune. J'adore le son des tambours. Boum, boum, boum. J'aime cette musique. J'adore ces castagnettes. C'est apaisant. J'aime la façon dont elle joue de la harpe. C'est très beau, si mélodieux. Oh, pourquoi ne peut-il pas y avoir de moments calmes? Oubliez la musique. J'aime dormir autant que possible. Il suffit de suivre le courant de la vie. Le quatrième pois était très paresseux. Il aimait dormir tout le temps. Le cinquième et le plus jeune pois étaient très différents des quatre autres. J'aime toutes sortes de musiques. Les castagnettes, les tambours et la harpe aussi. Chacun d'eux est spécial et me rend heureux quand je les écoute. Les pois grandissaient jour après jour. Ils ne le réalisèrent que lorsqu'ils atteignirent la taille maximale. Maintenant, ils sentaient que leurs gousses se congestionnaient. S'il te plaît, décale-toi. Je n'ai pas de place pour bouger. J'en ai pas non plus. C'est étouffant ici. La gousse est devenue trop étroite pour rester. Oui, je ne suis plus capable de dormir ici. S'il vous plaît, faites un peu d'espace. Je suis le plus petit, mais j'ai aussi du mal à bouger. Tous se plaignaient et demandaient mutuellement de se décaler. Soudain, la gousse de pois s'ouvrit et une forte lumière apparut. Oh non! Qui a ouvert la gousse? Ah! C'est ridicule! Pourquoi ne me laisses-tu pas dormir correctement? S'il te plaît, referme la gousse! Je t'en prie, je ne peux même pas ouvrir les yeux. Ce n'est plus possible maintenant. Mère Nature l'a ouvert. Oh wow, notre gousse a éclaté. Ouais, je suis si heureux. Après quelques minutes, lorsqu'ils devinrent à l'aise avec la lumière du soleil, ils se mirent à discuter. Je pense que nous avons une chance. Quel genre de chance? Une chance de sortir et de découvrir le monde. Tu penses que c'est une bonne idée? Je pense que le monde extérieur est dangereux pour nous. Pourquoi perdons-nous notre temps à discuter d'hypothèses? J'ai envie de sortir et j'ai envie de voir les différentes couleurs du monde. Je voudrais profiter de la vie hors de cette gousse. Tu fais ce que tu veux. J'ai envie de dormir pendant encore quelques temps. Tentons notre chance. Est-ce une bonne idée de quitter la gousse? Nous sommes ici depuis longtemps. Nous ne savons rien du monde extérieur. Allons-y et profitons maintenant que nous sommes libérés de cette minuscule gousse. Ils en discutèrent pendant un moment et décidèrent de sortir de la gousse de pois. Ils virent cela comme une aventure et décidèrent de se lancer. Un par un, ils glissèrent hors de la gousse. Tenez la tige correctement! Je ne sais pas où nous allons atterrir! Faites gaffe! Rattrapez-moi si vous pouvez! J'espère que je trouverai un bon endroit pour dormir. Où êtes-vous? Ne me laissez pas seule! C'est glissant ici! Ils débarquèrent sur un sillon dans une parcelle de pois. Ils étaient très heureux, puisqu'ils exploraient le monde pour la première fois. Waouh! C'est drôlement beau par ici! Oui, je suis content d'être ici. C'était une sage décision de quitter la gousse. Je veux dormir. Trouvez-moi un bon endroit. Hé, regardez! Nous vivons sur une branche trop élevée par rapport au sol. Pendant qu'ils discutaient du nouveau monde qu'ils voyaient, un garçon qui passait par là les vit. Ah! Ces pois semblent être parfaits pour mon lance-pierre. Je devrais aller les chercher maintenant. Le garçon les prit un par un. Le premier pois s'envola loin dans le ciel, à tel point que les autres pois ne le virent même plus. Oh! Je vais mourir! Puis, le garçon lança le deuxième, le troisième et le quatrième avec son lance-pierre. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi! Je ne sais pas où je vais atterrir! Le garçon nous tue par pur plaisir. J'aimerais tomber dans un endroit où je pourrais dormir sans être dérangé. Puis, s'envola le plus jeune pois. Waouh! Je m'envole dans les nuages comme un papillon! Oh, mon destin! Amène-moi dans un endroit où je pourrai avoir une belle vie! Le plus jeune pois atterrit sur le rebord d'une fenêtre. Oh, heureusement, j'ai atterri sans encombre! Alors qu'il regardait par la fenêtre, il vit une petite fille couchée dans le lit. Elle était malade et toussait constamment. Sa mère lui demandait de manger. « S'il te plaît, ma chérie, prends un peu de soupe. Ça te donnera des forces pour combattre la maladie. » Désolée, mère, je n'ai pas envie de manger plus. Si tu ne manges pas, comment redeviendras-tu forte et en forme? Le pois vit que la mère tentait de nourrir la petite fille, mais la petite fille était trop malade pour manger. La mère semblait très inquiète pour la fille. Dans la nuit, lorsque la fille s'endormit, sa mère pria pour elle. S'il vous plaît, aidez mon enfant à se remettre de cette maladie. Je ne peux plus la voir souffrir. Faites qu'elle soit en bonne santé, s'il vous plaît. Je vous en prie pour la vie de ma fille. Le pois aussi se sentait triste pour la mère et sa fille. Tard dans la nuit, le petit pois entra dans la pièce par la fenêtre. Avec la pleine lune dans le ciel, le pois chanta une chanson avec les tambours pour la fille. Bang, bang, bang, écoute ce que j'ai chanté. Bang, bang, bang, écoute ce que j'ai chanté. Qui est-ce? J'entends du bruit ici. Qui est-ce? C'est moi, je suis ici, à la fenêtre. Tu parles? Je n'ai jamais vu un pois qui parlait. Je peux aussi chanter. Je chantais une chanson pour toi, avec les tambours de la lune. Les tambours de la lune? Oui, la lune joue des tambours lorsqu'elle est pleine, tu sais. Mais je ne peux pas l'entendre. Tu dois être un pois spécial, toi. Chacun de nous est spécial dans ce monde, et nous avons tous une musique en nous. Il suffit simplement de nous concentrer et de l'écouter. Tu veux dire que je peux écouter les tambours de la lune? Est-ce possible? Tout est possible dans ce monde. Oh, oui! Je peux entendre les tambours. Ne t'ai-je pas dit que tout était possible? Non. Il y a quelque chose qui est impossible pour moi. Qu'est-ce que c'est? Je ne guérirai pas de cette maladie. Oh, ne dis pas ça! Et si je devenais autre chose qu'un pois? Alors toi aussi tu pourrais guérir, tu sais, c'est vrai! Mais tu n'es qu'un pois! Que peux-tu devenir d'autre? Bien sûr que je peux! Crois en toi et tu pourras faire n'importe quoi! Si je deviens autre chose, est-ce que tu croiras en ta guérison? Ok, j'y croirai, oui. Le lendemain matin, lorsque la fille se réveilla, elle se souvient de sa conversation avec le pois. Elle chercha le pois à la fenêtre, mais il n'était plus là. Oh, peut-être que ce n'était qu'un rêve. Comment est-ce qu'un pois pourrait parler? Elle alla à la fenêtre et regarda l'extérieur matinal frais et ensoleillé. « Quel beau paysage! Comme l'a dit le pois, pourquoi ne pourrais-je pas penser que je vais guérir? Je pense bien que j'irai mieux. Le plus jeune pois fit son maximum pour tenir sa parole. Il resta à l'extérieur de la fenêtre et s'enveloppa dans de la poussière quelques jours. Plus tard, lorsque l'hiver arriva, la poussière l'aida à survivre dans la neige. Tous les jours, il se forçait à avancer vers son objectif. Si je survis dans ces conditions pendant encore quelques jours, je pense que je pourrai atteindre mon objectif. Je vais tenir ma promesse. Je vais tenir ma promesse pour cette petite fille. Le plus jeune pois survécut pendant l'hiver grâce à sa forte volonté. La saison changea et le petit pois germa. Il se transforma en une plante avec quelques tiges et de jolies fleurs. Un jour, la mère de la jeune fille remarqua le beau germe de pois à l'extérieur de la fenêtre. Regarde, ma chérie, c'est une pousse de pois sur l'appui de la fenêtre. Oh, waouh! Mais comment a-t-il fait pour grandir ici? Il a tenu sa promesse, maman! Il a tenu sa promesse! Quoi? Qui a tenu sa promesse? Le pois! Il est devenu une pousse de pois! Maintenant, je suis certaine de guérir! Si un petit pois peut changer sa vie, pourquoi pas moi? Oui, mon enfant. Bien sûr que tu iras bientôt mieux. La fille sourit aux germes de pois. Sa mère le remercia et prit soin de lui.